Section 85 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La lecture, tome 6e. Section 85. Réveillon d'artiste par H. La Fontaine. Par une froide et brumeuse soirée de décembre, le 24e jour du 10 mois, un homme de haute taille, appuyé sur un bâton, suivait péniblement la rue Mazarine. Ses vêtements, insuffisants pour le garantir des morsures de la bise qui, ce soir-là, soufflait avec rage, se composaient d'un pantalon d'été, d'une vieille redingote boutonnée jusqu'au menton, un chapeau à large bord rabattu sur son visage ne laissait voir qu'une longue barbe et de grands cheveux blancs tombant sur ses épaules voûtées. Il portait sous le bras un objet de forme oblongue, enveloppé dans un mouchoir à carreaux. Il traversa le pont et la place du Carrousel, gagna le Palais-Royal, fit le tour du jardin, s'arrêtant plusieurs fois. Puis, comme si les flots de lumière, les parfums savoureux des mets exquis offerts aux consommateurs par les restaurateurs préparant leur joyeux réveillon, lui eussent donné le vertige, il s'éloigna, vacillant sur ses jambes, et vint échouer cours des Fontaines. Là, il releva la tête, voyant de la lumière à toutes les fenêtres de cette ruche ouvrière où la vie bourdonne, tenue en laisse par le travail. Il s'abrita sous un auvent placé au-dessus de l'allée faisant l'angle de ce passage fréquenté, posa son bâton à portée de sa main, s'accota contre le mur, dénoua le mouchoir à carreaux qui laissa voir un violon, s'assura que les cordes de l'instrument étaient toutes à leur poste, les remonta d'une main tremblante, plia le mouchoir en quatre, le posa sous son menton, appuya dessus le violon et commença une mélopée si triste, si discordante, que deux ou trois polissons qui s'étaient plantés devant lui se sauvèrent en disant que c'était une musique à porter le diable en terre. Un chien couché non loin de là se mit à hurler et les passants accélérèrent le pas. L'homme, découragé, s'assit tristement sur la marche de l'allée, posa son instrument sur ses genoux en murmurant « Je ne peux plus jouer, mon Dieu, mon Dieu !» et un véritable sanglot s'échappa de sa gorge. En ce moment, et par cette même allée longue et sombre, arrivaient trois jeunes gens fredonnant sur un air en vogue. Lorsque deux élèves du conservatoire rencontrent un élève du conservatoire, cela fait trois élèves du conservatoire, enchantés, ravis, bien contents de se voir, très loin, bien loin, fort loin du dit conservatoire. Ils n'aperçurent pas tout d'abord le joueur de violon. L'un le heurta du pied, l'autre renversa son chapeau, et le troisième resta tout saisi en voyant se redresser et sortir de l'ombre ce grand vieillard à mine fière et humble tout à la fois. « Pardon, monsieur, est-ce que nous vous avons fait du mal ?»« Non, » répondit le violoniste, en se baissant péniblement pour amasser son chapeau. Mais un des jeunes gens le devança et le lui rendit, pendant que son camarade, avisant l'instrument, questionna « Vous êtes musicien, monsieur ?»« Je l'étais autrefois, » soupira le pauvre homme. Et deux grosses larmes descendirent lentement dans les rides profondes qui sillonnaient ses joues. « Qu'avez-vous? Vous souffrez? Pouvons-nous vous venir en aide ?» Le vieillard regarda les trois jeunes gens. Puis il leur tendit son chapeau en murmurant « Faites-moi l'aumône. Je ne peux plus gagner ma vie en jouant du violon. J'ai les doigts ankylosés. Ma fille se meurt de la poitrine et aussi de misère. » Il y avait tant de douleur dans l'accent de ce vieil homme que les jeunes gens en furent secoués de la tête aux pieds. Bien vite, ils mirent la main à leur gousset et en retirèrent tout ce qu'il contenait. Hélas, le premier, 50 centimes, le second, 30 centimes, et le troisième, un morceau de colophane. Total, 16 sous pour soulager tant d'infortunes. C'était peu. Ils se regardèrent piteusement. « Ami, s'écria tout ému celui qui avait questionné le malheureux, un coup de collier et trois coups de cœur. C'est un confrère. Toi, Adolphe, prends le violon et accompagne Gustave, pendant que notre ami Charles fera la quête. » Aussitôt dit, aussitôt compris. Les voilà relevant les collets de leurs paletots, ébouriffant et ramenant leurs cheveux sur leur visage, enfonçant leurs chapeaux sur leurs yeux. Maintenant, de l'entrain et de l'ensemble. Un soir de Noël, le bon Dieu doit être dans sa stalle. Il s'agit de lui soutirer un premier prix. En avant ton morceau de concours, Adolphe, pour ramasser du monde. Sous les doigts exercés du jeune virtuose, le violon du pauvre résonna joyeusement et le carnaval de Venise s'égrena avec un brio extraordinaire. Toutes les fenêtres se rouvrirent, les passants s'attroupèrent, Des applaudissements éclatèrent de toutes parts, et beaucoup de pièces blanches tombèrent dans le chapeau du vieillard, placé bien en évidence sous le réverbère. Après un temps d'arrêt, le violon préluda à nouveau. « À toi, Gustave !» commanda Charles. Le jeune homme dénommé chanta « Viens, gentilhomme !» avec une voix de ténor vibrante, chaude, superbe. Et l'auditoire, ravi, criait « Bis, bis, bis !» Et la quête allait grossissant, la foule devenant de plus en plus compacte. Devant ce succès et cette recette, le promoteur de l'idée ajouta « Allons, pour finir, le trio de Guillaume Tell. Adolphe, mon vieux, tout en nous accompagnant, abuse de tes notes basses, pendant qu'avec ma voix de chic, je vais baritonner de mon mieux. Toi, Gustave, mon beau ténor, quelques coups de ciel et les alouettes vont tomber toutes rôties. » Le trio commença. Alors, le vieillard, qui jusque-là était resté immobile, n'osant en croire ni ses yeux ni ses oreilles, craignant d'être le jouet d'un songe, se redressa de toute sa hauteur, l'œil brillant, le visage transfiguré, et saisissant son bâton, il se mit à battre la mesure avec tant de maestria que sous son impulsion, les jeunes exécutants électrisèrent, enthousiasmèrent la foule qui ne leur ménagea ni ses bravos ni son argent. Il en tombait des fenêtres, il en sortait de toutes les poches, et Charles eut fort à faire rien que pour ramasser ce qu'on jetait en dehors du chapeau. Le concert fini, l'attroupement se dispersa assez lentement, car les lazis allaient leur train, il fallait les entendre. C'est pas des ambulants, ils ont de trop jolis galoubets pour ça. On s'en gargariserait jusqu'à plus soif. En les écoutant, on oublie que M. Frisquet est sorti avec toute sa famille. Quel réveillon ils vont faire avec cette braise? Crénon, en v'là du quibus. J'aurais bien voulu reluquer leur trombine à ces gaillards, mais pas mèche. Trop emmitouflé. Et le vieux, avec sa trique, en faisait-il des moulinets? Je vous dis que c'est des artistes qu'on fait une gageure. J'y suis allé une fois à la grande opéra, on n'y chantait pas mieux. Et le crin-crin raquerait-il bien? J'en avais des chatouillements tout le long de l'échine. Et beaucoup d'autres réflexions du même genre qui se perdirent dans la débandade des auditeurs. Les jeunes gens s'approchèrent du vieillard, suffoquant d'émotion. « Vos noms ? » murmurait le pauvre homme, « pour que ma fille les place dans ses prières. » Le premier dit « Je m'appelle la foi. »« Moi, l'espérance, » ajouta le second. « Alors je suis la charité, » fit le troisième, en déposant devant lui le chapeau débordant de monnaie. « Ah, messieurs, messieurs, sachez au moins qui vous venez d'obliger si généreusement. Je me nomme Schapner, je suis alsacien. Pendant 10 ans, j'étais chef d'orchestre à Strasbourg. J'ai eu l'honneur d'y monter Guillaume Tell. Hélas, depuis que j'ai quitté mon pays, le malheur, la maladie et la misère m'ont accablé. Vous venez de me sauver la vie. Grâce à cet argent, je pourrai retourner à Strasbourg, où je suis connu, où l'on s'intéressera à ma fille. L'Ernata lui rendra la santé. Vos jeunes talents que vous avez mis si simplement, si noblement au service de ma misère, seront bénis, je vous le dis, et le prédis. Vous serez grands parmi les grands. « Ainsi soit-il, » répondirent les trois amis. Puis, se prenant par le bras, ils continuèrent leur route. Braves êtres, ils ont sans doute oublié ce réveillon d'artistes où leurs âmes seules se mirent à table. Mais si vous êtes curieux, lecteur, de savoir comment s'est accomplie la prédiction du vieux Schapner, je puis, en commettant une grosse indiscrétion, vous révéler les noms des trois élèves du conservatoire, dont la modestie se formalisera certainement. Tant pis. Fallait pas qu'ils y aillent. Et puis, qui sait si ces lignes ne tomberont point sous les yeux de la fille du vieil Alsacien, et si elle ne sera pas bien heureuse de savoir à qui elle doit la vie. Le ténor s'appelait Gustave Roger, le violoniste Adolphe Hermann, le quêteur Charles Gounod. Fin de la section 85.